Kanyangi. François Kimana sur la mise en onde. Nous sommes vendredi 17 mars. Bonjour à tous et à tous et voici les grands titres de cette édition. Plus de 18 milliards de francs burundais sont nécessaires pour ajouter à l'enveloppe prévue dans la réhabilitation de la route nationale numéro 3, tronçon Rumonge-Gitaza, selon le Conseil des ministres tenu mercredi de cette semaine. Le Zanzibar accueille ce 18 mars un congrès international réunissant plus de 100 journalistes des médias du monde, diffusant en Kiswahili, dont la radio Isanganiro. En province Bururi, les notables collinaires font face à un manque de matériel et de bureaux et réclament une prime. Un problème déjà transmis au ministère de l'Intérieur et celui de la Justice, répond la première vice-présidente du Sénat. Rebonjour et bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Le gouvernement burundais réuni en conseil des ministres mercredi de cette semaine est revenu sur la réhabilitation de la route nationale numéro 3 Rumonge-Gitaza sur une distance de 45 km. Fin février 2023, les travaux étaient à 35,5% selon ce conseil. Plus de 18 milliards de francs burundais sont nécessaires pour combler le gap financier, faire face aux imprévus et des modifications du projet ont été évoquées suite notamment aux conséquences des changements climatiques. Suivez Prosper Nargwamiye, secrétaire général et porte-parole du gouvernement burundais. Les éléments majeurs à l'origine des modifications du projet sont les suivants. La montée du niveau du lac Tanganyika depuis 2019, qui oblige d'ajouter des travaux coûteux de nature portuaire pour protéger la berge du lac Tanganyika entre Gitaza et Magara et Kagongo sur une longueur de 8 km. L'adoption d'une nouvelle structure de chaussée intégrant une nouvelle couche qui engendre un surcoût. Les glissements de terrain qui obligent d'ajouter des travaux de stabilisation. Les débordements des rivières qui obligent d'agrandir des ouvrages et d'en ajouter de nouveaux. L'incidence de la prolongation des délais qui affectent le projet par l'enregistrement d'un retard d'environ 12 mois qui a un impact financier. Le déplacement des réseaux installés dans les entreprises de la route, Régie des eaux et BBS, qui a un coût. L'avancement global des travaux à fin février 2023 était de 35,5%, tandis que la consommation des délais est de 75%. De manière générale, les travaux sont en cours sur la partie du projet de la RN3 qui n'a pas de problème, c'est-à-dire entre Rumonge et Minago, 20 km. Les travaux sur la section Minago à Magara, 10 km, n'ont pas encore commencé, sauf le débroussaillage. Ils attendent la décision du gouvernement sur le gap financier. À travers cette note, il est demandé au gouvernement de doter le projet d'un montant de 18 607 517 500 francs pour combler le gap et faire face aux imprévus qui pourraient s'improviser comme les glissements de terrain et de prendre acte de la restructuration du projet en deux sections. 30 km de Rumonge à Magara qui vont être réhabilités par le groupement Sogea Satom Getra et 15 km de Magara à Gitaza qui vont faire objet d'une nouvelle étude de résilience. Le Conseil des ministres a pris acte de la note et a demandé au ministre en charge des Finances de faire tout le nécessaire pour que son montant soit disponibilisé. Prosper Nargwamiye, secrétaire général et porte-parole du gouvernement burundais. Page média de cette édition. L'étude de l'usage de la langue swahili et l'importance de cette langue dans les activités des médias est la raison d'être du congrès international réunissant plus de 100 journalistes provenant des médias du monde qui diffusent des émissions et éditions en kiswahili, dont la radio Isanganiro. Un congrès qui se tient à Zanzibar, en République unie de la Tanzanie, ce samedi lors d'une conférence de presse ce vendredi. À la veille de ce congrès, Tabia Maulidi Mwita, ministre ayant la communication dans ses attributions à Zanzibar, explique que son ministère est prêt à appuyer les médias étrangers visant le développement du Kiswahili via leur production. Poursuivons cette édition par cette page santé. Cette page santé, la majorité des indicateurs voudrais bien m'excuser. La majorité des indicateurs en santé de la reproduction ont chuté en 2022 au Burundi par rapport à 2021. Affirmation sortie ce jeudi dans une réunion de coordination des intervenants en ce domaine organisée par le Programme national de santé de la reproduction tenu à Bugarama, en province Muramvya. Certains participants appellent les partenaires techniques et financiers œuvrant dans ce domaine à concentrer leurs efforts sur les provinces présentant des indicateurs les moins performants pour que cette tendance soit renversée en 2023. Le point avec Jean de Dieu Irakoze. Certains indicateurs en matière de santé de la reproduction au Burundi en 2022 ont connu des progrès par rapport à 2021, comme l'ont souligné les intervenants dans ce domaine rassemblés dans une réunion de coordination des intervenants, notamment le taux de mortalité maternelle intra-hospitalière passé de 76,5% en 2021 à 58,4% en 2022. Cependant, d'autres en majorité ont chuté, notamment le taux de couverture en consultation prénatale 1 qui a baissé d'environ 3%, le taux d'acceptation et d'utilisation de méthodes contraceptives pour lesquelles des efforts doivent être consentis en 2023 selon le directeur du Programme national de santé de la reproduction pour renverser cette tendance. Nous sommes convenus vraiment d'augmenter les séances de sensibilisation, les séances d'éducation pour la santé, donc pour que vraiment tout toute femme qui a les signes de grossesse puisse vraiment aller faire la consultation dans les 3 premiers mois et de respecter le calendrier, les rendez-vous qui ont été donnés au niveau de la formation sanitaire. Et deuxièmement, nous sommes convenus que nous allons redoubler d'efforts pour sensibiliser la population à aller vraiment accoucher en milieu de soins. Parce que les conséquences vraiment sont énormes lorsque une femme accouche à la maison. Nous nous sommes entendus également avec ses responsables au niveau district et BPS de redoubler d'efforts pour que toute la population soit sensibilisée à l'adhésion massive à la planification familiale. Certains participants appellent les partenaires techniques et financiers intervenant dans ce domaine de centrer leurs efforts dans les provinces qui affichent les indicateurs le plus bas. Martin Iragira, médecin directeur du district de Ruyigi, est l'un d'eux. Pour le moment, il faut voir l'interaction des partenaires. Quelles sont les critères de choix pour les participants en fonction des défis qui sont sur le terrain, au niveau des provinces, au niveau des districts, ça, sanitaire. Cette activité a été financée par le bureau de l'Organisation mondiale de la santé au Burundi. Parlons droit de l'homme à présent. Les confessions religieuses doivent promouvoir la dignité de l'homme car il est une créature divine. Dans son exposé, au cours d'un atelier d'échange organisé par la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNDH, avec les leaders religieux à Gitega, l'abbé Dieudonné Niyibizi a indiqué que l'être humain mérite l'amour et le respect inconditionné. Pour lui, cela ne pourrait en aucun cas dépendre des législations en vigueur, mais plutôt des actions des églises qui mettent en avant tout son identité en tant qu'enfant de Dieu. Suivez. Les confessions religieuses sont bâties sur la parole de Dieu. C'est la base. Leur mission découle de la mission même de Jésus, la mission que le Seigneur a eu à démontrer de promouvoir l'homme dans sa totalité. Alors, nous avons compris, de par la parole de Dieu, que l'homme est une créature divine. L'homme, c'est un enfant de Dieu. Il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Sa dignité foncière, c'est celle-là. C'est que l'homme n'est pas créé par les hommes. Il a une dignité qui ne se donne pas. Il a une dignité qui ne reçoit pas des hommes. Il est inimitable. Il est identique à lui-même. Il est unique. L'homme mérite pour ce faire d'être respecté, d'être aimé partout, d'être valorisé partout où il est. Il a une conscience, une liberté, il a une volonté. L'homme est unique, c'est un individu. Il est indivisible. Pour tout cela, les confessions religieuses ont compris qu'ils doivent promouvoir sa dignité au niveau spirituel et au niveau humain. C'est pour cette raison que des actions sont menées au niveau du salut spirituel, mais aussi au niveau des conditions de vie dignes d'une personne enfant de Dieu. En d'autres termes, la base de la défense de la dignité de la personne humaine, c'est son identité comme enfant de Dieu. Et c'est pour cette raison que les confessions religieuses s'attellent au jour le jour à le rendre debout. La gloire de Dieu, c'est l'homme debout, spirituellement et humainement. Les législations humaines, tout ce que l'homme a fait comme loi, vient corroborer à cette mission que les églises ont foncièrement, de par leur vocation divine, de par leur vocation transcendantale. Abbé Dieudonné Niwizi au micro de Francine Ndihokubgayo. Je vous l'avais annoncé en titre, les notables collinaires de la province Bururi font face au manque de matériel et de bureaux. Question soulevée ce jeudi lors d'une réunion avec la première vice-présidente du Sénat à l'intention des élus locaux. Honorable Denise Ndadaye a indiqué que ce problème est déjà transmis au ministère de l'Intérieur et de la Justice. Le point avec Zeno Nzambiman. Certains parmi les notables collinaires dans la province d'Obruri disent qu'ils ne trouvaient pas facilement des feuilles et des stylos pour la rédaction des procès-verbaux. Ils disent que même quand ils s'arrangent pour les acheter, ces procès-verbaux sont quelquefois endommagés par la pluie. Ces notables collinaires demandent deux bureaux et tout le matériel nécessaire pour l'accomplissement de leur mission, y compris les cartables et les imperméables pour se protéger contre la pluie. D'autres demandent à l'État de leur accorder au moins une petite somme d'argent comme prime, car selon eux, le temps qu'ils passaient à la maison pour leurs activités a sensiblement diminué. Cette question en rapport avec le matériel des notables a été également soulevée ce jeudi. C'était au cours d'une réunion organisée par la première vice-présidente du Sénat burundais à l'intention des élus locaux. À ce sujet, Denise Ndadaye a indiqué que cette question avait été déjà soulevée également dans d'autres provinces qu'il a déjà visitées. Elle fait savoir que ce problème lié au manque du matériel pour les notables a été déjà transmis au niveau du ministère de l'Intérieur et au niveau du ministère de la Justice. Depuis Bururi, Zeno Nzambimana pour la radio Isanganiro. Merci à Zeno Nzambimana. En international, sans transition, ce vendredi 17 mars, le Parlement angolais va examiner le déploiement d'un contingent militaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Selon la présidence angolaise citée par la RFI, cette unité a pour mission de sécuriser les zones de cantonnement du M23 et la protection des membres du mécanisme ad hoc de vérification dirigé par un général angolais. Et le président chinois Xi Jinping se rendra en Russie la semaine prochaine, a annoncé ce vendredi le ministère des Affaires étrangères de la Chine à l'invitation du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Le président chinois effectuera cette visite d'État en Russie du 20 au 22 mars, a indiqué le ministère dans un communiqué sans autre précision. Le Kremlin, de son côté, déclare que les deux chefs d'État discuteront de l'approfondissement de leur coopération stratégique. Et le président brésilien, Luiz Inácio Lula da Silva, se rendra en Chine pour une visite officielle du 26 au 31 mars. L'invitation de son homologue Xi Jinping a indiqué ce vendredi, à 17 mars, le ministère chinois des Affaires étrangères. Cette visite en Chine sera la première pour le dirigeant brésilien depuis son élection l'an dernier à la tête du pays d'Amérique latine. Voilà. À 13h07 dans les studios de la radio Isanganiro. Ainsi s'achève cette édition. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à François Kimana qui assurait la mise en onde. Très bon après-midi à tous. Au revoir.